Papa, ça fait quoi comme bruit le vent? Ça fait oui. Et une éolienne? Une éolienne? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu lui racontes? Une éolienne, ça fait oui, oui. Planète Oui, fournisseur d'électricité et de gaz 100% renouvelable, 100% français. Dites oui à une énergie positive sur planète-oui.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Qui suis-je? J'ai un corps effilé, une tête triangulaire, des oreilles rondes et poilues, une queue écailleuse, longue et relativement épaisse. Mes membres, généralement courts, sont adaptés au saut, à l'escalade, aux tunnels étroits et aux milieux aquatiques. Ma taille et mon poids varient suivant mon espèce, de 7 cm pour 5 grammes jusqu'à 25 cm pour 30 grammes. Prolifique, essentiellement nocturne, proche du rat, considérée comme invasive et autrefois maléfique, je suis désormais l'amie des enfants et de leurs dents de lait, mais aussi habituée des laboratoires. Je suis... Mais c'est la petite souris. On a enfin découvert la maison de notre ami. Je t'ai acheté un petit cadeau, ma vieille. Mais je ne suis qu'une souris. Ernie, ce n'est qu'une petite souris. On est vraiment obligé de la tuer? Oui. Une seule bestiole nuisible peut vous mettre sur la paille. Je sais de quoi je parle. Ah. J'avais d'abord pensé à une énorme tapette à souris géante. Avec un très gros bout de fromage pour la pâtée. Bonjour, je m'appelle Minnie. Mini petite souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir petite souris, comme il est bon, comme il est gros. Oh oui. Je l'ai gardé pour toi, il y a de la crème un peu partout. Avec du chocolat, petite souris, sors de ton trou. On dit, lâche d'abord le marteau qui est caché derrière ton dos. Et... Bonjour Georges Chapoutier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, biologiste et philosophe dans cet ordre, auteur de nombreux livres sur les animaux, dont celui-ci qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, Le chercheur et la souris, la science à l'épreuve de l'animalité. C'est paru aux éditions CNRS et vous l'avez coécrit avec Françoise Tristani-Poteau. Donc vous êtes chercheur, je l'ai dit, vous n'entretenez donc pas le même rapport que nous avec les souris. Pour vous, elles ne sont pas seulement invasives dans la maison, elles ne sont pas seulement mignonnes en fait, pour vous elles sont même utiles. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les souris constituent l'essentiel des animaux utilisés dans les laboratoires pour mettre au point les médicaments que nous consommons quand nous sommes malades ou autres. Et qu'est-ce que vous faisiez avec des souris? Moi, j'ai travaillé sur l'anxiété et la mémoire. J'ai beaucoup étudié la façon dont il y a une relation entre anxiété et mémoire. D'autant que pour apprendre bien, il faut avoir une anxiété, entre guillemets, légère. Pourquoi la souris? Parce que la souris, elle n'a pas beaucoup de chance, si j'ose dire, sur un plan biologique. Elle naît comme une proie. Dans la nature... Elle a des mécanismes de reproduction extrêmement forts qui fait que elle se multiplie très vite. En 3 mois, il y a une nouvelle portée de 8 à 10 souris. Et tous ces animaux qui naissent, leur principal destin, si j'ose dire, c'est de servir de nourriture aux éperviers, aux serpents, aux renards, etc. Nées pour mourir. Elles sont, dans le biotope, elles sont nées plus ou moins pour mourir. On est tous nés pour mourir. Mais elles sont nées comme proie, si vous voulez. Et donc, de ce fait-là, elles disposent de processus d'anxiété très forts. Plus que d'autres espèces. Et donc, quand on veut étudier l'anxiété, c'est très intéressant d'utiliser des souris. Mais attendez, comment on peut dire qu'une souris est anxieuse? Il y a toutes sortes de tests qui permettent de dire ça. Non, mais par exemple, c'est-à-dire que d'emblée, on s'est dit la souris va être un animal idoine pour traiter des pathologies liées à l'anxiété, parce qu'on sait que c'est un animal anxieux. Mais à quoi ça se repère l'anxiété chez la souris? D'abord, c'est pas arrivé comme ça. La souris est arrivée au laboratoire parce qu'elle est très commode à manipuler, qu'elle se reproduit très vite, etc. Donc, avant d'être un animal anxieux, si j'ose dire, avant d'être considéré en laboratoire pour son intérêt sur l'anxiété, elle a été considérée au laboratoire comme son intérêt pour l'utilité, pour le caractère pratique de sa manipulation. Elle se reproduit vite, elle est facile à manipuler, etc. Elle est petite. Elle est petite, facile à gérer, etc. Et puis il se trouve que effectivement, comme elle est aussi anxieuse, et alors il y a des lignées de souris. La plus traditionnelle, c'est la souris blanche, qu'on appelle la souris suisse. Mais on a mis au point aussi, on a sélectionné différentes lignées de souris, dont certaines très anxieuses, d'autres moins moins anxieuse. Donc il y a toute une hiérarchie de lignées qui permet d'étudier l'anxiété. À quoi ça se repère l'anxiété chez une souris? C'est quoi la différence entre une souris plus ou moins anxieuse? Il y a des tests. Je vous en donne un, mais il y en a une dizaine. Hein. Par exemple, les souris plus anxieuses vont davantage dans l'obscurité. Donc si vous avez deux boîtes, si vous voulez, une boîte obscure et une boîte éclairée, et que vous mesurez une souris pendant 5 minutes entre ces deux boîtes, plus la souris est anxieuse, plus elle se réfugiera de longtemps dans la boîte sombre par rapport à la boîte claire. Et puis si vous lui injectez un médicament, ça voilà le genre de choses que j'étais amené à faire, un médicament anxiolytique, un médicament qui supprime l'anxiété, eh bien elle va passer davantage de temps dans la boîte éclairée. En d'autres termes, le test de la boîte noire peut être une façon utile de mettre au point des médicaments contre l'anxiété, qui seront ensuite utilisés par l'homme, bien entendu. Alors, vous l'avez dit, Georges Chapoutier, les souris sont nées pour être des proies, elles sont utiles, mais c'est ce dont on va discuter durant l'heure qui vient, à travers la souris que va se déployer un certain nombre de problématiques pour le chercheur, à savoir le rapport, la conception de l'animal, jusqu'où l'animal peut être réifié, peut devenir une chose lors d'une expérimentation médicale ou une expérimentation scientifique, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un animal sensible à ce moment-là? Comment faire si c'est un être sensible pour faire à la fois progresser la recherche sans toutefois maltraiter des animaux? Et à travers un tout petit être comme la souris, finalement, c'est un ensemble de problématique et presque une éthique animale. Tout à fait. Du fait que la souris constitue environ 60% des animaux utilisés en laboratoire, beaucoup plus que le rat, qui est son cousin proche, si j'ose dire, tous les problèmes posés par l'expérimentation, les problèmes épistémologiques, scientifiques, mais aussi les problèmes moraux, éthiques, se posent à propos de la souris. Tout à fait. Alors, on va commencer par écouter un texte d'Aristote, preuve s'il en est que la souris intéresse les chercheurs, les savants, tel Aristote, dans son Histoire des animaux, c'est au livre 6, chapitre 37, les souris, tout simplement. La reproduction de la famille des souris est la plus étonnante parmi les différents animaux par le nombre et la rapidité. On a déjà vu en effet une femelle pleine ayant été enfermée dans une jarre de millet. Quand peu de temps après on eut ouvert la jarre, il apparut des souris au nombre de 120. On se pose aussi des questions sur la génération et la disparition des souris à la surface des champs. En beaucoup d'endroits, en effet, il se forme habituellement un nombre incalculable de mulots qui ne laissent que peu de choses de toute la récolte. Leur reproduction est si rapide que certains paysans qui ne cultivent pas de grandes exploitations, voyant la veille qu'il est temps de moissonner et amenant le lendemain les moissonneurs, trouvent toute la récolte dévorée. Quant à leur disparition, elle se produit sans logique, car dans l'espace de quelques jours, ils deviennent complètement invisibles. Et pourtant, précédemment, les hommes n'arrivaient pas à les contrôler en les enfumant, les déterrant, les chassant et en lâchant les truies, car celles-ci déterrent les souris de leurs trous. Les renards, eux aussi, leur donnent la chasse, et les belettes sauvages les suppriment très efficacement quand cela se trouve. Mais ils n'ont aucun contrôle sur leur fécondité et leur rapidité, et rien n'en a, si ce n'est la pluie, quand cela se trouve. Alors les souris disparaissent rapidement. En un certain endroit de Perse, quand une femelle est ouverte, elle révèle des embryons femelles, eux-mêmes pleins. Certains disent, et même assurent, que si les femelles lèchent du sel, elles deviennent pleines sans accouplement. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that loose and lame flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. Like a strainer, there's loads of roaches in the hall. Speedy gun. Alors comme je l'ai dit, Georges Chapoutier, on vient d'entendre un extrait de l'Histoire des animaux d'Aristote sur les souris. Alors ce texte est complètement fascinant parce qu'en fait, on a surtout l'impression, alors même qu'il s'agit quand même d'un livre qui inaugure la biologie, la zoologie, que ce qui relève de la connaissance des souris est très incertain et presque un petit peu fictif, de l'ordre du conte. Alors, je crois que c'est l'occasion de parler d'Aristote. Exactement. Qui est, comme on peut le faire remarquer, qui est à la fois, avec Platon, l'un des deux grands philosophes qui ont fondé la philosophie occidentale, mais en même temps le père de la biologie. C'est assez phénoménal qu'il ait été à la fois un très grand philosophe. Qui est tout fait. À la fois mais un peu comme vous, qui êtes biologiste et philosophe. Je crois qu'on ne peut pas se mettre une comparaison comme celle-là. Celle-là, je la réfute. Aristote, donc, effectivement, il a développé la biologie, il a observé tout ce qu'il a pu observer, il a fait certaines découvertes qui n'ont été retrouvées que beaucoup plus tard, mais effectivement, il avait les moyens de son temps. Il n'avait pas d'un laboratoire, il n'avait pas des systèmes d'expérience, etc. Donc, il observait beaucoup. Et dans ce texte, d'abord, il y a la plus grosse partie du texte réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure, au fait que les souris se reproduisent de façon considérable. Oui, c'est vraiment le premier trait qui frappe tout le monde, à savoir, en fait, vraiment qu'elles sont peut-être nées pour être des proies, mais nées pour donner naissance. Voilà, aussi. Elles donnent naissance sans arrêt. Et donc, le texte insiste là-dessus et il a tout à fait raison. Puis alors, à la fin du texte, effectivement, il y a des on dit que. Certains disent que ça, c'est l'histoire des souris qui mangent du sel, etc. C'est faux. Hein. Donc, il faut bien voir que dans Aristote, il n'y a pas que des choses vraies. Il observe beaucoup, mais il se trompe souvent. Alors, oui, il faut le dire, Georges Chapoutier, disons-le, les femelles qui lèchent du sel et qui deviennent pleines sans accouplement, absolument. C'est faux. Ah, bah, c'est faux. Oui. Ça, absolument. Mmh. Et donc, il dit, on assure en Assyrie que, etc., etc. Vous voyez, donc, il rapporte quelque chose qu'on lui a dit parce qu'il collecte un petit peu toutes les informations, mais là, il rapporte une information qui est fausse. Alors, finalement, la souris était déjà considérée comme un animal qui devait faire partie, en fait, du bestiaire de la zoologie et de la biologie. Mais finalement, on voit bien que les connaissances étaient extrêmement réduites et qu'il y avait presque quelque chose qui relève, je dirais pas seulement de l'irrationnel, mais il dit bien, la souris se produit sans logique, elles disparaissent, elles deviennent invisibles, les hommes n'arrivent pas à les contrôler. À ce moment-là, la souris est un animal presque imaginaire, en fait, presque mystérieux. Oui, dire ça comme ça. Dans le cas d'Aristote, il tend à ne pas en faire un animal imaginaire, mais oui, il est influencé par ça aussi, certainement. Alors, ça rejoint un deuxième problème, parce que vous avez vu un deuxième extrait sur Speedy Gonzalez. Oui. Ça rejoint la question de la souris dans la culture. Speedy Gonzalez, c'est une souris purement fictive, mais il y en a d'autres. Il y a Mickey et Minnie. Vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, il y a la souris qui vient chercher les dents sous les oreillers, etc. Donc, oui, il y a la souris verte, il y a Stuart Little. Il y a toute une série de souris mythiques, mm-hmm. farfelues presque à la limite, dans la culture. Mais elles sont quand même assez différentes des vraies souris. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit en biologie de la souris aujourd'hui? À savoir, comment, de quelle famille, à quelle famille, à quelle espèce elle appartient? Quelle sous-catégorie elle appartient? C'est extrêmement compliqué, parce que la souris, c'est un nom global, générique, si vous voulez. C'est pas un nom scientifique, la souris. Il y a des dizaines de souris différentes, entre guillemets. Beaucoup appartiennent au genre qu'on appelle mus. Hein. Donc mus qui veut dire rat, c'est ça? Non, qui veut dire souris. Qui veut dire, souris? Oui, rongeur. Donc mus, la souris du laboratoire, c'est mus musculus, c'est une espèce particulière. Mm-hmm. Et il y a d'autres mus. Hein. Vous savez qu'en terminologie scientifique, on donne le genre puis l'espèce. Hein. Mm-hmm. Homo sapiens, par exemple. Donc mus musculus, c'est la souris de laboratoire. Il y a d'autres mus voisines. Il y a d'autres souris qui ont des genres différents, comme Peromyscus. Il y a des dizaines de souris, entre guillemets, différentes. Et donc, il faut bien distinguer la souris de laboratoire, qui est un genre et une espèce tout à fait précise, et puis les souris en général, qui sont un univers extrêmement flou et extrêmement varié. Et quel est le rapport avec le rat? Alors, tendance aussi à les confondre, parce que autant la souris peut être attendrissante dans la culture, autant le rat est plutôt de l'ordre de la saleté, mal vu. J'ai bien compris ça parce que j'adore les rats. Mais Pourquoi vous aimez les rats? Parce que c'est un animal que je trouve sympathique. J'ai rencontré des rats dans les laboratoires. J'ai eu des rats chez moi domestiques. Donc vous avez vraiment vécu avec des rats? J'ai eu des rats domestiques qui ont vécu chez moi. Ça vit pas très longtemps, un rat. Ça vit 2 ans à peu près. Mais j'avais un rat qui était apprivoisé, qui venait quand on l'appelait, etc. Donc, je comprends pas bien un rat blanc, hein. Je comprends pas bien la hantise qu'il y a sur les rats, qui est probablement due à l'histoire, au fait que dans le passé, les rats transmettaient des maladies, etc. Ce qui est plus le cas du tout, hein. Le nombre de maladies transmises par les rats est quand même beaucoup plus restreint maintenant. Donc, alors, par rapport à la souris, c'est un cousin, c'est une espèce voisine, on ne peut pas reproduire des rats avec des souris, c'est des espèces assez différentes, si vous voulez. D'ailleurs, c'est beaucoup plus gros. Et puis, ça a des capacités différentes. Par exemple, une chose très amusante, si j'ose dire, on a mis en évidence récemment la capacité de rire des rats. Et autant que je sache, dans l'état actuel des choses, on n'a pas montré cette capacité chez les souris. Alors ça, c'est génial. Expliquez-nous comment on arrive à dire... Alors, vous nous en avez parlé de l'anxiété des souris, ça c'est très clair. Mais comment on arrive à dire qu'un rat rit? Alors, vraiment, il rigole? Il rigole. Il rigole, mais on l'entend? Non, on vous ne l'entendez pas. Le problème, c'est qu'il rigole dans les ultrasons. Ah oui, donc c'est vraiment imperceptible. Voilà, c'est imperceptible. L'idée de Panksepp qui a trouvé ça a été l'idée de brancher des récepteurs à ultrasons sur des cages de rats. Mmh. Il a eu cette idée-là. Et il s'est aperçu que les rats rigolaient. Quand on chatouille un rat, il rigole tout le temps. Plus vous chatouillez, plus il rigole. Dans l'ultrason, vous n'entendez rien. Les ratons qui jouent entre eux rigolent tout le temps. Panksepp montre que... Alors, qui est Panksepp ? Panksepp, c'est le chercheur qui a découvert ça. Okay. Hein, qui a découvert ce rire chez les rats. Les ratons qui rient le plus sont préférés comme camarades de jeu. Et même, ça a permis à un groupe polonais, dirigé par Rigula, de montrer l'existence chez les rats de rats optimistes et de rats pessimistes. Si vous donnez deux minutes, je vais expliquer comment ça se passe. Vous avez des rats qui peuvent appuyer sur un levier pour éviter une punition. Et ils sont dans une ambiance sonore A. Dans une autre ambiance sonore, ils appuient sur un autre levier et ils obtiennent une récompense. Donc, ambiance A, j'appuie sur un levier, j'évite une punition. Ambiance B, j'appuie sur un levier et j'obtiens une récompense. Et alors, on prend deux groupes de rats. Il y a des rats fortement rieurs et des rats peu rires. Il y a des rats joviaux et des rats peu joviaux. Des rats qui rient beaucoup et des rats qui rient peu. Et on les met dans une ambiance sonore intermédiaire entre les deux, qu'on ne peut pas distinguer entre A et B. Les rats qui rigolent beaucoup, ils vont aller appuyer sur le levier qui donne une récompense. Ils disent, ambiance pas très claire, je vais avoir une récompense, je vais être récompensé. Les rats qui rient peu, ils vont appuyer sur le levier qui évite une punition. En d'autres termes, ils vont avoir un caractère pessimiste, alors que les rats rigolards ont un caractère optimiste. Donc ils vont, effectivement, les rats pessimistes vont être dans une perspective négative, éviter la punition plutôt que avoir positivement une récompense. Et ça, est-ce qu'on a fait ce genre d'expérience avec des souris ? Non, d'abord parce qu'il n'y a pas de souris qui rit, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'expérience chez les souris. Les souris sont beaucoup plus anxieuses. On pourrait quand même distinguer s'il y a des rats rieurs, mais néanmoins parmi ces rats rieurs, des rats optimistes et pessimistes. Oui. On devrait se dire que parmi l'anxiété des souris, Il y a des souris anxieuses et moins anxieuses. On pourrait faire cette expérience avec des souris anxieuses et moins anxieuses. Ça n'a pas été fait pour l'instant. Donc je ne peux pas vous donner un résultat d'une expérience qui n'a pas été faite. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique. Il va être en très bon état, et pourtant... Il aura subi toutes les punitions. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui enverrait les agents. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'ils se succèdent, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. Merde, merde, merde ! Grouillez ! Non, je bougerai pas. On vient d'entendre un extrait du film d'Alain René, Mon oncle d'Amérique, qui date de 1980. Les pauvres souris, on n'en parle pas beaucoup là, puisqu'en fait, on vient d'entendre une expérience sur les rats, en fait, une explication en fait qui permet de comparer le comportement des hommes avec celui des rats. On entendait la voix du docteur Henri Laborie, et effectivement, on retrouve ce que vous disiez sur ce rapport à la punition et sur c'est à la fois cette proximité entre les hommes et les animaux, le fait en fait qu'on se serve des animaux en laboratoire pour pouvoir étudier le comportement des humains, mais effectivement, cette distinction radicale qui fait que on a beau servir d'un rat ou d'une souris en laboratoire, on ne pourra pas tout comprendre non plus du fonctionnement humain. Oui, deux choses. D'abord, je voudrais saluer Henri Laborit, que j'ai bien connu, qui était un type absolument remarquable et qui avait ce très beau film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Là, il défend sa thèse, qui est que si on peut exprimer son action en se défendant, en se bagarrant, etc., on va, entre guillemets, bien, mais que si on inhibe trop son action, qu'on ne peut pas, on n'a pas la possibilité de se défendre contre son chef de service, par exemple, à ce moment-là, on peut développer des pathologies. Et donc c'est une des grandes thèses de l'inhibition de l'action d'Henri Laborie, qui est une thèse très intéressante, etc., et qui l'a étayée sur le rat, que ça pourrait s'étayer sur la souris aussi, bien sûr. Alors maintenant, pour la relation entre le comportement des animaux et le comportement humain, ça c'est un très gros problème épistémologique. Est-il légitime, sur un plan scientifique, je parle pas de morale pour l'instant, est-il légitime d'expérimenter sur les animaux? Alors la réponse est oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prévoir sur les animaux, sous réserve que ces animaux sont pas trop loin de nous. Et alors là, ça donne l'objection épistémologique fondamentale avec les souris, à savoir que on utilise des souris, non seulement parce qu'elles sont commodes, mais parce que sur le plan comportemental, elles sont pas si loin de nous. Et que un médicament qui agit sur l'anxiété des souris va agir sur l'anxiété humaine. En d'autres termes, que on les utilise parce qu'elles sont assez proches de nous sur le plan morphologique, anatomique, physiologique. Mais en même temps, elles sont assez loin de nous pour pas trop poser de problèmes moraux. Le rat et la souris, bon, les gens ne sont pas trop proches d'eux, si j'ose dire, sur un plan affectif. Et donc, ça pose pas trop. On suppose que ça pose pas trop. Ça ne pose pas trop de problématiques. Donc c'est un peu une ambiguïté, très proche à certains égards, mais plus éloignée à d'autres égards. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Comment on fait quand on est biologiste et philosophe comme vous pour à la fois se questionner en fait sur l'être des animaux, d'une souris par exemple, se demander en quoi est-ce qu'une souris peut être un sujet de ses actions, de son expérience, d'une forme de conscience, de droit même, puisqu'il y a quand même une déclaration des droits des animaux, et en même temps avoir des souris dans une cage et leur injecter des produits pour voir les réactions. Ça pose un problème qui est celui de l'expérimentation, à la limite. Est-il légitime ou non d'expérimenter sur les animaux? Alors, je pense que ça... Oui, on peut dépasser la question. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'en fait, au-delà du fait qu'on se questionne sur une éthique des animaux, on doit d'abord se demander pourquoi, de toute façon, on fait des expériences sur les animaux. Tout à fait, exactement. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus, parce que c'est un thème, comme j'aime bien les animaux, et d'autre part que j'étais amené à expérimenter sur l'anxiété, en l'occurrence, et l'apprentissage des souris, c'est une question que je me suis beaucoup posée. D'autant qu'il y a des expériences sur les animaux, autres que ce que je fais moi, qui peuvent être beaucoup plus perturbatrices aussi. Donc la question, c'est, je pense que si on veut développer des médicaments dans l'état actuel des choses, on ne peut pas supprimer l'expérimentation, comme le demandent certains. J'ai des amis véganes que je respecte beaucoup, qui ne mangent aucune viande, par exemple, mais qui prennent quand même des médicaments quand ils sont malades. Donc c'est très difficile, dans l'état actuel des choses, d'envisager la suppression de l'expérimentation. Ce qu'il faut faire, c'est la réglementer, l'améliorer quand on peut. Mais il y a déjà des réglementations. On peut citer quand même la directive 2010/63/EU, qui est relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, qui encadre déjà ces expérimentations. Alors, elle encadre certaines expérimentations. Précisez. Alors déjà, il faut dire qu'elle encadre les expérimentations sur les animaux vertébrés, qui sont, soyons clairs, l'écrasante majorité des animaux utilisés, donc les vertébrés, et les mollusques céphalopodes comme les pieuvres. Mais par exemple, elle n'encadre pas les drosophiles, les abeilles, les homards, etc. etc. Donc elle est déjà limitée. Et puis il y a sur la directive un certain nombre d'objections qu'on peut faire aussi. Par exemple, elle protège les embryons de mammifères dans le dernier tiers. Parce qu'on pense qu'ils ont subi une certaine souffrance possible. Elle ne protège pas les embryons d'oiseaux dans le dernier tiers de la vie en œuf. Pourquoi? Un corbeau, c'est aussi intelligent qu'un rat. D'autre part, c'est bien que cette directive existe, c'est bien qu'elle soit en application. Elle protège beaucoup les animaux de laboratoire, mais elle n'est pas parfaite. Et puis alors j'ajouterais que si sur le plan scientifique, les animaux sont bien protégés grâce à cette directive, donc il y a des efforts de protection, la société n'est pas lotie de la même manière. Un exemple que j'aime bien citer, un chercheur n'a pas le droit de s'amuser de torturer un poisson, par exemple, mais envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante pour la gastronomie, là c'est ok. En d'autres termes, il faudrait aussi que les autres utilisations des animaux par l'homme, dans d'autres secteurs de la société, se rapprochent des lois de protection qu'on a dans l'expérimentation animale. Que faut-il pour faire des homards de Rion? Alors il faut de l'armagnac. Et bien entendu, il nous faut de beaux homards frais. C'est-à-dire qu'ils sont vivants. Aïe, aïe, aïe, attention vivants. Qu'ils ne vous pincent pas. Non, là, ils sont vivants, non. Il remue bien ses grosses pattes, là, sa petite bouche. Eh bien, c'est triste, mais maintenant, il va falloir voir comment on va les tuer. Bien sûr. Il faut les couper vivants. Ben, vous allez le faire, parce que moi, je n'ose pas. Ben, c'est le plus dur à faire, de toute façon. Là, voilà. Les queues en trois. Et la pauvre bête. Et vous nous les mettez dans Et je vous les mets dans l'huile chaude. Oui. Ça, c'est dur. Je crois que je ne vais pas y arriver, là. On va faire celui-là. À feu très vite. Il faut que ça cuise, oui, oui. Voilà, ça commence à grésiller. Aïe, aïe, aïe. Les pauvres. Les pauvres, ils bougent encore. On est cruels, hein. Là, vous allez. Vous me donnez la tête aussi? Oui, vous allez pouvoir me passer la planche. Non, c'est bon. De la choix, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en train de me les aiguiser, là, les bon, il faut bien les saisir dans cette huile. Eh ben, voyez, oh, rien, voilà sur les cruels. Hein. Là, j'y mets tout mon poids. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sortent pendant que vous coupez, bien là. Bien sûr, oh, il faut les garder, toujours, de toute façon. C'est du jus, une espèce de il jus. Il faut les garder. Et voilà, et voilà. Vous écoutez France Culture, vous écoutez aussi Maïté, c'est un extrait de La Cuisine des Mousquetaires qui a été diffusé sur France 3 le 12 décembre 1989. Alors là, on entend un exemple effectivement, non pas d'expérimentation scientifique, mais on va dire d'expérimentation culinaire. Alors là, ça n'est pas un problème de science, mais de culture. Et la question de la morale, du traitement des animaux, ne se pose pas seulement à travers la science et la réification d'une souris, mais aussi à travers le traitement qu'on inflige à des animaux vivants, même dans notre cuisine et même chez nous. Tout à fait. On parlait tout à l'heure des, je parlais des poissons en disant que un chercheur ne pouvait pas torturer un poisson, mais que un gastronome avait le droit d'envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante. Ça marche pour le homard. Ça marche pour le homard aussi. C'est pareil. Alors, le problème, c'est que le homard, il est pas parmi les animaux protégés par la directive européenne sur l'expérimentation. Même s'il y a toute une série d'arguments actuellement expérimentaux qui suggèrent que les crustacés, alors, pas seulement les homards, mais les crabes, tout ce groupe-là, a probablement une forme de conscience. Il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent ça. Donc, ça pose cette question-là. Alors, cette fois-ci en gastronomie, effectivement, la façon dont on traite les homards de gastronomie, en les coupant en morceaux vivants ou en les jetant vivants dans l'eau bouillante, est absolument scandaleuse. Il y a des pays plus avancés que nous sur le plan moral, je pense à l'Allemagne ou à la Suisse, qui ont interdit ces pratiques. Mais alors là, on peut aussi se poser la question par rapport à la souris, de nos souris dans la maison, parce que le premier rapport qu'on a quand même avec la souris, on n'en a pas encore parlé, c'est effectivement, il y a un rapport biologique, donc là c'est les manuels de connaissances épistémologiques, biologiques, et puis il y a aussi le rapport à la culture, donc on a parlé de Mickey, on a parlé de Speedy Gonzales, mais il y a aussi en fait les premières souris qu'on voit, c'est des souris qui sont chez nous, ce sont des souris invasives. Ce sont des souris, à la fois, c'est-à-dire que c'est un peu le pendant du chat. C'est-à-dire que le chat est domestique, mais il reste profondément énigmatique. Et la souris est un être qui nous est familier, finalement, qui nous surprend jamais, mais qu'on traite comme s'il était profondément étranger et sauvage. Et on n'a aucun problème à être cruel avec une souris en trouvant des astuces et des stratégies pour la tuer. Alors oui, c'est une très bonne remarque. Si la souris s'était cantonnée à la nature environnante, où elle aère le sol, elle transmet des graines, et elle sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, de garde-manger pour beaucoup d'espèces de prédateurs, l'homme ne s'en serait pas beaucoup préoccupé. Mais il se trouve qu'au néolithique, l'homme il a commencé à cultiver, il a fait des greniers avec plein de grains, il a accumulé les grains, et puis hop, là, les souris se sont dit merveilleux, si j'ose dire, voilà des graminées en quantité, c'est le pays de Cocagne. Oui. Et donc elles ont commencé à consommer tous les greniers des cultivateurs qui n'étaient pas contents du tout, et ça a donné en miroir, comme vous l'évoquez, la domestication du chat. Le chat, en tant qu'animal domestique, c'est une création, si j'ose dire, de l'occupation des greniers par les souris. Alors, mais en fait, c'est la souris qui a créé le chat. Si j'ose dire, enfin, c'est une façon de le dire, c'est pas la souris qui a créé le chat. Mais effectivement, c'est à la suite de l'invasion des greniers par les souris que l'homme s'est associé au chat. Et avec, alors moi, le chat est un animal que j'adore parce que j'ai beaucoup vécu avec des chats. Il faut savoir aussi que même le chat, on va pas revenir ici sur le chat, vous avez une très bonne émission là-dessus, mais le chat peut poser des problèmes écologiques lui aussi. Il faut pas qu'il y ait trop de chats par kilomètre carré, parce que il mange non seulement les souris, mais aussi les oiseaux. Alors, donc il faut bien qu'on déplie tous les problèmes, Georges Chapoutier, parce qu'on a parlé de la souris dans nos maisons, la souris dans la culture, la souris dans la biologie, la souris dans les laboratoires, et il faut se demander en fait pourquoi le traitement qu'on inflige effectivement à la souris, où on est capable de la tuer, où on est capable de lui infliger un traitement cruel dans nos maisons, on est aussi capable de l'expérimenter certes de manière encadrée, mais quand même de l'expérimenter plus que d'autres animaux, par exemple. On va être beaucoup plus sensible à la cause des grands singes dans les expérimentations animales qu'à la souris. Et ça pose vraiment ce problème moral qui est que qu'est-ce qui est admissible pour nous en termes, j'ose pas dire de cruauté, mais même de mal infligé à un animal. En fait, quel est le critère déterminant qui fait qu'on s'est rendu acceptable par nous de faire du mal à un être vivant? Et là, je parle pas d'un, parce que si on parle de chats, de vaches, de grands singes, tout le monde est offusqué. Et pour les souris, c'est à peu près acceptable. Tout à fait, ben c'est parce que les souris sont pas proches de nous. Les souris et les rats, hein. Parce que le rat, en plus, même a une aura négative, si j'ose dire, hein. La souris, c'est neutre, on s'en occupe pas beaucoup, si vous voulez, parce que la personne qui pense aux souris ne pense pas à Mickey. Hein, il y a une coupure entre les deux. Mickey, c'est un personnage fictif qui a été imaginé par l'homme. C'est plus une vraie souris, si j'ose dire. Hein, la souris n'intéresse pas beaucoup, et le rat dégoûte beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de gens de moi qui je comprends pas. Mais oui, moi par exemple, j'aime pas les rats. Voilà, ça me dégoûte. Et donc à la limite, qu'on fasse des expériences pour améliorer notre santé, parce que les médicaments, le but c'est ça. À terme, c'est d'améliorer notre santé. Qu'on le fasse sur des rats et des souris, ça ne choque pas beaucoup. C'est le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont assez proches de nous pour donner des médicaments qui seront applicables chez nous, mais assez loin pour que on s'en préoccupe pas trop, que ça gêne pas trop. Donc on retrouve ici ce paradoxe moral, si vous voulez. Et on va entendre un texte de Claude Bernard où là c'est plus qu'un non-dérangement, c'est presque, on a l'impression, une sorte de plaisir pris à la vivisection. Je comprends parfaitement que les médecins qui se trouvent sous l'influence de certaines idées fausses et à qui le sens scientifique manque ne puissent pas se rendre compte de la nécessité des expériences et des vivisections pour constituer la science biologique. Je comprends parfaitement aussi que les gens du monde, qui sont mus par des idées tout à fait différentes de celles qui animent le physiologiste, jugent tout autrement que lui les vivisections. Mais le physiologiste n'est pas un homme du monde. C'est un savant. C'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus les cris des animaux. Il ne voit plus le sang qui coule. Il ne voit que son idée. Et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. De même, le chirurgien n'est pas arrêté par les cris et les sanglots les plus émouvants, parce qu'il ne voit que son idée et le but de son opération. De même encore, l'anatomiste ne sent pas qu'il est dans un charnier horrible. Sous l'influence d'une idée scientifique, il poursuit avec délice un filet nerveux dans des chairs puantes et livides qui seraient pour tout autre homme un objet de dégoût et d'horreur. D'après ce qui précède, nous considérons comme moiseuse ou absurde toute discussion sur les vivisections. Il est impossible que des hommes qui jugent les faits avec des idées si différentes puissent jamais s'entendre. Et comme il est impossible de satisfaire tout le monde, le savant ne doit avoir souci que de l'opinion des savants qui le comprennent et ne tirer de règles de conduite que de sa propre conscience. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoy. Alors on a parlé du paradoxe Georges Chapoutier qui existe de à quelles conditions puis-je faire du mal à un animal. La souris pose ce paradoxe, comme on l'a dit, de elle est à la fois proche mais pas assez proche pour avoir de l'empathie. Et puis là, on a un texte de Claude Bernard, donc Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui date de 1865, qu'on a entendu interpréter par notre comédienne Hélène Losser, qui là, en fait, n'a aucun paradoxe. Là, vraiment, absolument, il n'y a non. que le souci c'est du savant. C'est il y a un siècle. Hein. Oui, c'était il y a un siècle, mais on peut quand même être frappé parce oui, qu'il n'y a pas cette idée d'indifférence à l'égard non, de la douleur. Il y a presque cette idée de plaisir parce qu'il y a quand même cette phrase qui dit sous l'influence d'une idée scientifique, l'anatomiste poursuit avec délice un filet nerveux dans les chairs puantes et livides qui serait pour tout homme un objet de dégoût et d'horreur. Et alors là, on est vraiment dans une conception en fait parce qu'il faut distinguer différentes conceptions de l'animal qui sont en jeu quand on est chercheur. Il y a la conception qui consiste effectivement aujourd'hui, on va plutôt tendre avec ça, avec l'encadrement des expérimentations, à dire que les animaux sont des êtres sensibles. Mais là, on est vraiment dans l'animal objet, l'animal machine, c'est presque une conception cartésienne. C'est une conception cartésienne. Sur ce plan particulier, Claude Bernard est le fils de Descartes. L'animal est un objet, une machine, sur lequel l'homme a tous les droits, et selon Claude Bernard, il peut faire n'importe quoi, dans la mesure où il apporte quelque chose à son idée à lui. Ce qui est important, c'est l'idée scientifique. L'animal, je caricature, pour Claude Bernard, compte pour du beurre en tant qu'animalité, en tant qu'être sensible. Vous avez tout à fait raison. Mais il n'y a plus beaucoup de chercheurs qui défendraient maintenant une thèse comme celle-là. Hein. Même si Claude Bernard est reconnu comme un des pères de la biologie, en tant qu'expérimentateur, là, il y a d'autres extraits où il montre comment fonctionne la méthode expérimentale, et ça c'est tout à fait pertinent, mais la conception morale de Claude Bernard, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui la défendraient maintenant. Et alors, je dirais même que elle est très dogmatique. Parce qu'il dit, les références, c'est sa propre conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qui forme la conscience? Ce sont les lois de l'État. Si, comme ça s'est passé, par exemple, en Allemagne, durant la période hitlérienne, les lois de l'État changent, qui va former la conscience? Sur quoi va-t-on se baser pour dire ce qui est bien et ce qui est mal? Donc là, sur le plan éthique, Claude Bernard ne répond pas du tout à cela, si vous voulez. Oui, mais vous faites comme si le chercheur Georges Chapoutier avait une conscience essentiellement déterminée, encadrée par un droit, par, comme on l'a dit, des directives. Or, le chercheur, à un moment donné, est pris quand même dans une contradiction qui est que il doit à la fois poursuivre des recherches pour la nécessité de l'être humain, à savoir continuer des recherches, par exemple, sur les médicaments anxiolytiques ou aussi pour les cancers, pour le diabète ou que sais-je encore, ou juste pour des connaissances aussi génétiques, de structure, de fonctionnement du corps et fonctionnement anatomique. Et pourtant, il est quand même obligé de sacrifier pour ça des animaux et notamment des souris. Donc là, c'est plus qu'un paradoxe de dire « je considère des souris comme des sujets, mais en même temps, j'en fais des objets de science ». Là, c'est vraiment la contradiction qui ne peut pas se résoudre. Et lui, Claude Bernard, la résout, à savoir « j'ai décidé d'être du côté de la science, d'être du côté de la connaissance, et là, ça suppose de sacrifier des animaux ». Encore une fois, dans l'état actuel des choses, plus on avance, plus on s'aperçoit que les animaux sont des êtres sensibles. Alors, sensibilité nerveuse, hein. On va pas revenir sur la sensibilité, c'est pas une sensibilité à la émotionnelle. Ou à la lumière comme les plantes, etc. C'est une sensibilité nerveuse qui amène éventuellement, s'il y a une conscience, pour certains animaux, à la douleur ou à la souffrance. Plus on s'aperçoit de ça, plus ça impose de prendre des précautions particulières pour manipuler les animaux. Et donc c'est pour ça que les positions de Claude Bernard, morales de Claude Bernard, sont difficiles à tenir maintenant. Deux remarques. Même du temps de Claude Bernard, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. J'en veux pour preuve le fait que la femme et les filles de Claude Bernard étaient tellement outrées par les expériences des animaux. Faut voir que ça se faisait à une époque-là, pas sur des souris tellement, mais sur des chiens et sans anesthésie. C'était beaucoup plus violent que ce qu'on fait maintenant. Hein. Et donc, la femme et les filles de Claude Bernard étaient tellement choquées par les expériences que faisait Claude Bernard que lorsque Claude Bernard est mort, une partie de son héritage a été affectée par sa femme et ses filles à un cimetière pour chiens. Donc c'est un petit peu ironique de voir que l'héritage du pape de la vivisection a terminé dans un cimetière pour chiens. Mais alors est-ce que ça suppose, pour justement pour résoudre cette contradiction entre nécessité de faire progresser la recherche pour les hommes et en même temps d'expérimenter cette recherche-là, ces progrès-là sur les animaux, est-ce que ça présuppose en fait de changer encore une fois de conception, c'est-à-dire de raffiner cette conception qu'on a non plus de l'animal objet, mais de l'animal sensible? Bien sûr, bien sûr. Et alors dans quel sens? Alors je pense qu'on peut plus considérer que l'animal est un objet. Déjà ça, c'est une conception cartésienne qui est complètement dépassée. Alors, vous évoquez, il y a deux façons d'améliorer les choses. Il y a la loi, la fameuse directive européenne qui contraint l'expérimentation à demander des anesthésies, etc. etc. C'est un gros progrès, cette directive européenne, avec cette réserve que j'ai fait tout à l'heure, qu'elle ne s'applique qu'aux animaux vertébrés et aux céphalopodes. Par exemple, les homards y échappent. Hein. Donc, on pourrait probablement l'améliorer encore. Mais c'est un progrès. Et comme je disais tout à l'heure, il serait bon que les autres utilisations de l'animal par la société humaine, j'ai parlé de la gastronomie, mais on pourrait parler de la chasse, de la corrida, etc., etc., beaucoup d'autres choses, il serait souhaitable aussi que les autres utilisations de l'animal, y compris les animaux de compagnie, par exemple, la protection des animaux de compagnie contre les abandons, etc., il serait souhaitable que tout cela aussi entraîne une protection aussi efficace que ce qui se passe dans la recherche. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a la loi. Et puis, il y a la façon dont le chercheur agit lui-même, quand il est en face de son expérience. Et là, il faut une formation des chercheurs, à mon avis, très insuffisante de nos jours. Vous savez que maintenant, les jeunes chercheurs qui veulent expérimenter doivent passer des examens pour justifier du fait qu'ils ont une formation à l'expérimentation animale. Je pense personnellement que cette formation est insuffisante. Vous pouvez nous dire en quoi elle consiste, cette formation? Alors, il y a des cours qui disent... Alors, ça dépend des animaux, mais par exemple, sur les rongeurs, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une souris? Quelle est sa sensibilité? Dans quel cas il faut l'anesthésier? Comment la manipuler? Comment l'anesthésier? Comment la tuer? Parce que malheureusement, les souris de laboratoire finissent par être tuées. Donc, comment la tuer de façon la moins douloureuse possible, comment la manipuler, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel cas il faut faire de l'anesthésie, etc. Mais à mon avis, ces formations qui existent, hein, qui sont obligatoires maintenant, hein, mais elles sont tout à fait insuffisantes parce que dans l'esprit du législateur qui les a créées, c'était un souci moral, et dans les formations, il n'y a pratiquement plus du tout, ou très peu, de morale. la quantité de morale qui est inculquée aux jeunes chercheurs qui veulent se former est, à mon avis, totalement insuffisante. Et parce que le problème de la morale, dès lors qu'elle investit le champ épistémologique, c'est qu'on a toujours le soupçon qu'elle soit idéologique. C'est-à-dire que pour l'instant, le traitement qu'on fait à des animaux et par exemple aux souris dont on parle aujourd'hui, pour certains, relève plus d'une conviction personnelle que d'une nécessité vitale. Alors, il y a la loi. Non, mais il y a la loi déjà. Hein. La loi impose un certain nombre de choses. Si un chercheur fait des choses qui sont... Alors, on pourrait dire aussi que la loi n'est peut-être pas assez surveillée. Mais il y a des surveillances, des animaleries, des minimums pour les souris de laboratoire, mais des minimums d'espace, de ventilation, etc., etc., pour que, au moins entre les expériences, les animaux aient un mode de vie agréable. En d'autres termes, il y a toute une série de lois. Il y a la loi. Mais encore une fois, la loi ne dit pas tout. Lorsque le chercheur est face sur un animal, il faut qu'il soit lui-même formé. À mon avis, il ne l'est pas assez. Alors, dans le cadre de cette formation des chercheurs, je veux quand même signaler qu'il y a la fameuse loi des 3 R. Oui, parlez-nous de ce principe des 3 R. C'est une règle qui est souhaitable, qui vise non pas à supprimer l'expérimentation, parce que j'évoquais, si on veut des médicaments, ça paraît difficile aujourd'hui, mais les 3 R, c'est remplacer, réduire, raffiner. Remplacer les animaux quand c'est possible par autre chose, par des simulations informatiques, par des modèles cellulaires, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, il faut remplacer. Mais par exemple, pour les médicaments anxiolytiques sur lesquels vous avez travaillé, Jean Chapoutier, c'est pas possible. Là vraiment, voilà, on a besoin de souris. Voilà un exemple de l'anxiolytique. On peut pas imaginer qu'un modèle cellulaire ou un ordinateur devienne sensible à l'anxiété. Donc là, effectivement, pour tout ce qui touche à l'opération du cerveau d'un animal complexe, alors je pense à l'anxiété, mais au sommeil, un somnifère, vous pouvez pas faire dormir une machine. Donc là, voilà des cas où l'expérimentation est nécessaire, si vous voulez. Donc il faut remplacer quand c'est possible. Il faut réduire le nombre d'animaux, alors ça par des méthodes statistiques, etc., pour n'en utiliser que le minimum, mais ça, pour des questions économiques, les chercheurs ont tendance à le faire, mais il est plus intéressant de faire une expérience sur 10 souris que sur 250, ne serait-ce que pour une question de coût. Donc, il faut réduire le nombre d'animaux. Et de fait, ces dernières années, le nombre d'animaux d'expérience a été réduit. Mais maintenant, ça plafonne. Là, maintenant, on a une grosse réduction il y a quelques années, et maintenant, on tend à plafonner. Alors, il faut quand même dire... Allez-y. Il y a raffiné. Oui. Raffiner, qui est améliorer les expériences pour qu'elles soient moins douloureuses éventuellement. Donc les trois R, c'est remplacer, réduire, raffiner. Non, je voulais juste revenir sur les chiffres en fait d'utilisation des animaux en laboratoire. Alors là, je les ai pas sous les yeux, j'arrive pas à retrouver. Je peux vous en donner quelques-uns. Bah, allez-y. Oui, pour la France, hein, parce que bien sûr, ça vaut aussi pour les pays occidentaux, je voudrais dire. Hein. En France, on utilise 60% de souris, soit en gros 1 150 000 souris, à peu près, sur un total qui va vers 2 millions d'animaux expérimentaux. Donc c'est la souris l'animal le plus utilisé. Après, c'est des poissons. Il y a des poissons. Et puis les rats n'interviennent que pour 10%. Puis après ça, le reste est relativement marginal. Alors, on a entendu la facilité qu'il y a à se servir des souris. On comprend qu'elles soient les plus utilisées, elles sont prolifiques, elles se manipulent facilement. Mais on n'a pas parlé encore de la mort des souris, c'est-à-dire que vous venez de dire on peut apprendre à un chercheur à tuer une souris, c'est-à-dire que sur tous ces animaux c'est pas tous les chercheurs qui tuent, d'ailleurs ça peut être les personnels techniques qu'il faut qu'ils soient formés aussi. On peut pas, alors dans les 3 R que j'évoquais maintenant, on en rajoute quelquefois un quatrième qui est la réhabilitation, c'est-à-dire le fait qu'un animal qui a été utilisé pour la recherche peut être adopté. Donc ça vaut pour les gros animaux. Ce qui veut dire que, par exemple, parmi les souris... En fait, là, si je vous suis bien, Georges Chapoutier, les 3/4 des souris qu'on utilise sont destinées à mourir en laboratoire. Tout à fait. Parce que la réhabilitation... Alors, il y a quelques vénards qui peuvent être adoptés, etc. Ça peut arriver. Mais, si vous voulez, vu le nombre tel de souris qui est utilisé, dans l'état actuel des choses, c'est pas concevable que les souris soient toutes adoptées, si j'ose dire. Et donc, oui, les souris, elles aboutissent à être tuées. Et donc l'idéal, c'est de les tuer le plus décemment possible, tout à fait. Et à partir de quand on décide de les tuer? À partir de quel moment on décide de tuer une souris? En général, en laboratoire, quand l'animal n'est plus utile pour une expérience. Et ça veut dire quoi, n'être plus utile? C'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de réagir? Ça veut dire qu'elle est fatiguée? Ça veut dire qu'elle est en fin de vie? Que l'expérience est finie, tout à fait. Donc, donc c'est indépendant de l'état physique de l'animal, c'est vraiment lié à l'expérimentation. On pourrait théoriquement, je fais une fleur de signe, on pourrait théoriquement, la souris qui a servi à mettre au point un anxiolytique, par exemple, on pourrait la garder jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 2 ans. Oui. Seulement, il y aura un coût dans l'animalerie, en nourriture, en personnel, etc. Donc, dans la pratique, on ne les garde pas. On pourrait argumenter que quand on arrive à la mort ou au fait de tuer, un être qui est capable de penser à son avenir, à son futur, a plus de choses en enjeu qu'un être qui n'a pas de possibilité de penser au futur, à l'avenir. Ça signifie que des êtres humains normaux au-delà de l'enfance ont cette capacité que les animaux non humains n'ont pas. C'est pour cela que si c'était une question de vie ou de mort, il serait raisonnable de choisir de tuer l'animal plutôt qu'un être humain. Mais ce n'est pas une question d'espèce, c'est une question de capacité. Si, par exemple, vous aviez le choix entre tuer un chimpanzé et un être humain avec un cerveau très endommagé, qu'il ne pourrait plus jamais être conscient ou qu'il ne pourrait plus jamais jouir de la vie, je ne pense pas qu'il faudrait préférer l'être humain. Je pense que l'être humain aura moins à perdre que le chimpanzé vivant. On vient d'entendre la voix de Peter Singer, c'était à la Grande Table, émission sur France Culture du 6 juin 2018. Alors il faut présenter Peter Singer, qui est un philosophe australien né en 1946, qui a la chaire d'éthique à Princeton et qui est l'auteur d'un ouvrage qui est vraiment un énorme retentissement, qui s'appelle La Libération Animale, qui est paru en 75. Alors Peter Singer fait partie d'un courant utilitariste, donc selon ce courant utilitariste qui s'oppose à la conception de l'animal machine, objet qu'on peut avoir selon Descartes, là on postule que ce qui l'élément déterminant, ça n'est pas le raisonnement, ça n'est pas la pensée par opposition au corps, mais c'est la sensibilité. Jérémy Bentham, qui est le chef de file de l'utilitarisme, le dit: peu importe, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils sentir. Peter Singer, qu'on vient d'entendre, s'inscrit dans ce courant-là utilitariste et donc en vient à comparer un être humain et un chimpanzé et nous dit effectivement, après tout, l'argument, le principe, c'est une question de capacité ou alors de sensibilité. Et finalement, on pourrait très bien faire, pourquoi pas, si on suit Peter Singer, des expérimentations sur les humains. Oui, alors, donc ça c'est très intéressant. Ça fait très positif dans l'utilitarisme, que je ne conteste pas. Mais là, sur ce point particulier, je suis en désaccord complet avec Peter Singer. Il dit en substance, hein, je le résume, ne vaudrait pas mieux, si vous voulez expérimenter, non pas sur un chimpanzé en pleine forme, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux expérimenter sur un homme diminué? Ça, c'est extrêmement dangereux. Je crois que si on met la main là-dedans, on met la main dans une catastrophe au point de vue humanitaire. En d'autres termes, quelles que soient les qualités de l'utilitarisme, je crois qu'il faut donner une frontière très nette, malheureusement, une frontière spéciste, si j'ose dire, hein, entre le privilège de l'homme et le privilège des autres espèces. Comme toute espèce animale, l'espèce humaine a le droit de défendre d'abord ses droits propres, quand c'est ses droits, que ce sont des droits fondamentaux à la santé, à la vie. Je ne parle pas du droit de chasse, évidemment. Hein. Mais les droits fondamentaux à la vie et à la santé, chaque espèce doit pouvoir défendre d'abord ses droits propres. Et ça, j'adore les chimpanzés, j'ai vécu une année avec des chimpanzés, mais de dire qu'il faut faire, quel que soit le cas, faire passer un chimpanzé d'un cas particulier avant un être humain, c'est extrêmement dangereux. Si on met la main là-dedans, je pense que on fait chuter toutes les avancées de notre civilisation. Donc je suis absolument contre ce point développé par Peter Singer, même si je peux apprécier d'autres choses qu'il a écrites ailleurs. Non, mais par ailleurs, il faut effectivement dire ça parce qu'il a des propos quand même qui sont extrêmement choquants, c'est vrai. Il faut le dire que ça met toutes les espèces à égalité. Et donc, en fait, ce qui sort de ça, c'est juste la sensibilité ou alors, effectivement, comme on l'a entendu dans l'archive, les capacités, ce qui pose effectivement un énorme problème. C'est-à-dire à quelles conditions on peut faire une expérience ou pas. Il faut effectivement rétablir une frontière spéciste, comme vous l'avez dit. Néanmoins, la conception de Peter Singer a ceci d'intéressant, non pas dans cette comparaison entre les hommes et les animaux, mais par rapport aux animaux, en fait, de rétablir une forme de cohérence. C'est-à-dire, n'oublions pas, en fait, qu'il y a aussi cette idée de capacité des animaux et que, effectivement, on a tendance à faire coïncider la limite du droit à la vie avec la frontière de notre propre espèce. Alors, oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut faire une frontière très claire entre les droits de l'homme et les droits de l'animal. C'est pas les mêmes. Maintenant, dans les droits de l'animal, par rapport à ce que dit Singer, je crois qu'il faut aussi définir des frontières. Alors, plus flou, parce que la science n'est pas parfaitement ajustée à cela, mais il y a quand même deux grands groupes d'animaux avec des frontières un peu floues, je suis d'accord, comme les crustacés. Il y a des animaux qu'on appelle sentients. C'est des animaux qui ont une forme de conscience d'eux-mêmes. Et donc, ça comprend en gros les vertébrés, les mollusques céphalopodes, probablement les crustacés décapodes, peut-être quelques insectes comme les abeilles. Bon, là, les frontières sont un peu floues. Et puis, il y a des animaux non sentients, comme la moule, l'huître, etc., etc. Et il est clair que les besoins en protection des animaux sentients et non sentients ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui défendent les droits de l'animal, sauf cas très particuliers, font rarement allusion au ver de terre ou à la moule. Hein. Ce qui les intéresse, c'est le chat, le chien, les animaux sentients. Mmh. Donc ça, même dans le cadre des groupes d'animaux, et encore une fois, en séparant bien droits de l'homme et droits de l'animal, mais dans le cadre des droits de l'animal, je crois qu'il faut quand même clairement définir une distinction entre les animaux sentients et les animaux non sentients. Et c'est là d'ailleurs où en fait on en revient à notre souris, Georges Chapoutier, parce que précisément, la souris se situe à cette frontière-là, en fait, entre dans le droit des animaux, où en fait... Dans le droit des animaux, elle fait partie des animaux qui sont protégés. Elle est sentiente, la souris. Elle est clairement sentiente. Oui, mais pourtant, à côté d'un chat, vous voyez, en fait, la distinction n'est pas... Là, vous évoquez encore une distinction entre différents groupes des sentients. Alors là, oui. C'est encore un autre problème. Le chat, moi, je le verrais sous un autre angle. Alors, il est probablement, effectivement, plus sentient que la souris, mais alors, ça va être très difficile de faire une échelle, etc. Le chat, je pense que, lui, bénéficie du fait que c'est un animal de compagnie, je pense qu'on a une responsabilité particulière vis-à-vis d'une compagnie. Si vous voulez, les animaux qu'on a adopté comme animaux de compagnie, ça nous donne à nous, humains, une responsabilité particulière. Donc, je mettrais le chat et le chien sous un autre angle, si vous voulez. Et une dernière question, Georges Chapoutier, parce qu'on va devoir bientôt se quitter. On parle beaucoup, on vient de parler du droit des animaux, là on parle de capacité des animaux, mais est-ce que tout est une question de droit? Vous l'avez dit, vous avez parlé de morale. Comment, en fait, intégrer la morale à des expérimentations scientifiques? Alors, donc, est-ce que la solution, elle est dans la morale? Alors, la solution est dans la morale, mais la morale, c'est un domaine abstrait. Dans une société comme la nôtre, nous sommes des sociétés de droit. Et les choses se font en termes de droit. Hein. Bien sûr que, idéalement, si nous étions tous des saints, il n'y aurait pas de guerre, on serait gentil avec les animaux, etc., etc. C'est pas le cas. Les sociétés fonctionnent sous des règles, et dans les sociétés de droit, ces règles, ce sont les lois. Et donc, si on veut respecter les animaux dans une société de droit... Même ceux des hommes qui n'aiment pas les animaux, qui n'aiment pas les chiens, il faut donner aux chiens des droits, c'est-à-dire finalement des devoirs à l'homme, l'un étant réciproque de l'homme, de l'autre, des règles qui font que l'homme n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec un chien, qui n'a pas le droit de l'abandonner sur la route au milieu des vacances. C'est la souris qui attend avec un bouquet de violettes le retour de ses amants sur les quais de la Joliette. Elle aime les cartes postales, la petite souris des quais, pour écrire à chaque escale à son quartier maître fourrier. C'est la souris qui séduit, qui pour plaire se maquille en vison à Tahiti, en robe du soir aux Antilles, à Marseille et ses nuits de Chine, à Colombo ses nimis, à Tampico c'est Titine, à Montmartre c'est Qatari. Le cafard en habit noir met sa robe de lumière lorsque dans le chant du soir danse la souris légère. La souris est la sorcière qui mène à son gré les jeux. Elle espère ou désespère, quand tout va mal, elle va mieux. La souris avec sa lampe vous fait signe de la main en criant « Tiens bon la rampe pour vivre jusqu'au matin !» Vous oisif et autre Jules dans la couleur du néon, apprenez des crépuscules les éphémères leçons. Merci beaucoup Georges Chapoutier. Vous découvrez que Juliette Gréco a chanté sur les souris, c'est souris et souricière, et moi aussi je le découvre. Alors je rappelle que de vous on peut lire Le chercheur et la souris, la science à l'épreuve de l'animalité, c'est aux éditions CNRS, c'est coécrit avec Françoise Tristani-Poteau, et puis qu'on peut aussi lire de vous, c'est le dernier Sauver l'homme par l'animal, retrouver nos émotions animales, paru aux éditions Edile Jacob, et puis je cite aussi que vous êtes co-auteur avec Frédéric Kaplan de L'homme, l'animal et la machine, c'est aux éditions CNRS. Merci beaucoup. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 bientôt et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Et si nous lisions un livre de Nietzsche?